Ok. Ça. Yeah. J'sais pas si écrire était dans mes gènes, mais beaucoup produisent par la parole et peu par les gestes. J'rigole car j'entends que ça tire ou tes plans. Ça fait pitié comme ces MC qui n'assument pas d'être blanc. Je sais qu'on va me dire rappeur à minette, mais comprends bien, je vois plus loin que porter des menottes. Pas ma vie, mon quotidien, non, j'ai aussi passé l'âge. J'reste dans mon coin et je trouve pas que c'est lâche. Seul souvent sur un banc le soir, j'ouvre mon cœur en rêvant que l'écriture le soigne. La tête dans la lune en attendant Morphée. De toute façon depuis longtemps le marchand de sable est de corvée. Je sais que c'est pathétique si je suis mauvais au fond. Désolé j'ai pas d'éthique mais une étiquette au fond. J'ai pas ma place parmi les petits, parmi les grands, parmi les cris, parmi les gens qui jugent nos vies. Et surtout parmi l'ennemi. Je sais que c'est pathétique si je suis mauvais au fond. Désolé j'ai pas d'éthique mais une étiquette au fond. J'ai pas ma place parmi les petits, parmi les grands, parmi les cris, parmi les gens qui jugent nos vies. Et surtout parmi l'ennemi. Parce que ma vie n'est pas très rose. Et qu'elle m'a mis une claque, enfant terrible, perturbateur. Toujours au fond de la classe, moi ne me casser par les coups. Je ne suis pas un médiateur, pas un exemple pour ces bâtards qui attendent que je me casse la gueule. Mon combat est contre moi-même, voilà ce qui m'amène à mépriser ces chiens-là qui ont cru que j'étais leur mère. Situation délicate, main courante pour délit grave. Pas si mauvais car foutre la merde des festivals. Éternue sans pollen, si galère c'est mes problèmes. Passe à coup de fil à Charlie, dit que j'ai tronché la bohème. Ne me jure, j'ai pas, vous en avez pas le pouvoir. Je peux jurer que j'ai un bon fond, mais sombre comme un couloir. Je sais que c'est pathétique si je suis mauvais au fond. Désolé j'ai pas d'éthique mais une étiquette au fond. J'ai pas ma place parmi les petits, parmi les grands, parmi les cris, parmi les gens qui jugent nos vies. Et surtout parmi l'ennemi. Je sais que c'est pathétique si je suis mauvais au fond. Désolé j'ai pas d'éthique mais une étiquette au fond. J'ai pas ma place parmi les petits, parmi les grands, parmi les cris, parmi les gens qui jugent nos vies. Et surtout parmi l'ennemi. Chacun ses qualités et puis ses défauts. Moi si j'ai peu de bons côtés alors c'est la faute des autres. Ça prétend bizarre, mauvais comme Loana dans une piscine. Une terreur qui te décime, hors dessin où la mort nous désigne, où le bonheur se décline. Tu sais pourquoi nous on déprime. Chacun ses qualités et chacun ses défauts. Et tous mes bons côtés ne sont que sur mes sons. L'échec est maintenant, j'ai pas ma place parmi les rois. Des dépipés comme par hasard quand je suis un pion dans un jeu de loi. Avec Marcus toujours à boire toute la noche. Trop maladroit, c'est peut-être logique pour un gaucher. Je sais que c'est pathétique si je suis mauvais au fond. Désolé j'ai pas d'éthique mais une étiquette au front. J'ai pas ma place parmi les petits, parmi les grands, parmi les cris, parmi les gens qui jugent nos vies. Et surtout parmi l'ennemi. Je sais que c'est pathétique si je suis mauvais au fond. Désolé j'ai pas d'éthique mais une étiquette au fond. J'ai pas ma place parmi les petits, parmi les grands, parmi les cris, parmi les gens qui jugent nos vies. Et surtout parmi l'ennemi.